Rappel. Lacédémone est l'autre nom de la ville grecque de Sparte. Chilon, le principal personnage, y vécut en 600 avant notre ère. Théophraste est un philosophe grec du 4e siècle avant notre ère. Cicéron, un orateur romain du 1er siècle avant notre ère, et Plutarque, un écrivain grec du 1er siècle après notre ère. Quant à Favorinus, né à Arles, il enseigna la rhétorique à Rome et à Athènes et fut un maître et un ami d'Oligèle. Le lacédémonien Chilon, un de ses personnages illustres appelés les Sept Sages, arrivé au terme de sa carrière, adressa aux amis qui l'entouraient ces paroles qui nous ont été transmises par les écrivains qui sont chargés du soin de faire passer à la postérité la vie et les actions des grands hommes. Dans ma longue carrière, il n'est aucune parole, aucune action dont j'aime repentir. Peut-être me rendrez-vous ce témoignage. Dans ce moment suprême, je ne cherche pas à me tromper. Non, je n'ai commis aucune action dont le souvenir puisse attrister ma dernière heure, à l'exception d'une seule, dont la nature est telle que je ne sais encore si elle est innocente ou coupable. Je devais, moi, troisième, être juge dans une affaire où il s'agissait de la tête d'un ami. La loi était formelle. L'accusé devait être condamné. Il fallait donc ou perdre un ami ou violer la loi. Après avoir médité longuement sur les moyens de sortir d'une position aussi délicate, je ne trouvais pas de parti meilleur à suivre que celui auquel je m'arrêtais. Tout bas, je portais une sentence de mort. Et j'engageais mes collègues à faire grâce au coupable. Ainsi, je conciliais les devoirs du juge avec ceux de l'ami. Mais aujourd'hui, cette conduite me donne quelque inquiétude. Je crains qu'il ne soit ni légal ni juste, dans la même affaire et dans le même moment, sur la même question, d'avoir conseillé aux autres tout le contraire de ce que je croyais devoir faire. Ainsi, Chilon, homme d'une probité irréprochable, n'a pas su jusqu'où il pouvait aller contre la loi, contre la justice, en faveur d'un ami. Cette incertitude trouble la fin de ses jours. Après lui, plusieurs philosophes ont recherché avec soin et à la plus scrupuleuse attention, comme nous le voyons dans leurs traités, s'il faut, c'est-à-dire si l'on peut, quelquefois, dans l'intérêt d'un ami, agir contre la loi et contre la morale, et dans quelles circonstances et jusqu'à quel point. Cette question a été traitée par beaucoup de philosophes, comme je viens de le dire, mais surtout par Théophraste, aussi modeste que savant. Sa dissertation se trouve, si j'ai bonne mémoire, dans le livre premier de son traité de l'amitié. Ce traité me semble avoir été connu de Marcus Cicéron lorsqu'il écrivait le sien sur le même sujet. Je transcris les paroles de Cicéron que l'on sera peut-être bien aise de relire. Voici selon moi quelles limites il faut fixer. Entre deux amis que nous supposons gens de bien, projet, volonté, tout sans exception doit être commun. Et s'il arrive par malheur que l'un d'eux ait besoin d'assistance dans les choses qui ne soient pas absolument justes, mais où il s'agisse pour lui de l'honneur ou de la vie, l'autre pourra dévier un peu du droit chemin, pourvu toutefois que l'infamie n'en soit point la conséquence. Jusqu'à un certain point, l'amitié est une excuse. Ainsi, lorsqu'il s'agira, dit Cicéron, de la vie ou de la réputation d'un ami, nous pourrons nous relâcher un moment de nos principes pour soutenir ses desseins, même lorsqu'ils sont injustes. Mais en quoi peut-on s'éloigner du devoir? Jusqu'où peut aller le zèle de l'amitié? Quel degré d'injustice peut-on favoriser chez un ami? C'est ce que Cicéron ne détermine nullement. Que m'importe de savoir que mon ami étant dans de semblables dangers, pourvu qu'il n'en résulte pas pour moi un trop grand déshonneur, je puis m'écarter de la bonne voie, si l'on ne m'apprend pas ce qui peut constituer l'infamie et jusqu'où je puis m'écarter du devoir. Oui, dit Cicéron, jusqu'à un certain point, l'amitié peut être une excuse légitime. Mais quelle est cette limite que l'on ne peut franchir sans se rendre coupable? Voilà ce qu'il faudrait nous apprendre, et voilà justement ce qui ne nous est point enseigné par les philosophes. Le sage Chilon, que je viens de citer, pour sauver un ami, s'écarta de la bonne voie. Mais au moins, je vois où il s'est arrêté. pour soustraire son ami à la mort, il donna un conseil que condamne la morale. Et encore, à ces derniers moments, il ne savait si sa conduite était louable ou criminelle. Mais voici un autre point sur lequel je voudrais être éclairé. Lorsque, dans l'intérêt d'un ami, je puis agir contre la justice, sans toutefois porter atteinte à la paix, à la liberté de mon pays, lorsque je dois, comme le dit Cicéron, m'écarter de la bonne voie, en quoi, comment et dans quelles circonstances le pourrais-je? Où devrais-je m'arrêter? Périclès, cet illustre Athénien, ce génie supérieur a, d'un seul trait, exprimé sa pensée plus clairement que personne. Un ami lui demandant de se parjurer pour faire triompher sa cause, il répondit « Pour un ami, il faut tout sacrifier, excepté les dieux. » Théophraste, dans le traité déjà cité, entre plus avant dans son sujet que Cicéron. Voici à peu près son raisonnement. Nous devons, dit-il, encourir un faible blâme ou un déshonneur léger si par ce moyen nous pouvons procurer à un ami un avantage notable. Le léger dommage fait à notre honneur est largement compensé par le mérite d'avoir aidé un ami. Cette tâche, cette brèche, faite à notre réputation, disparaît par l'importance du service rendu à l'amitié. Ne nous laissons pas effrayer par des mots, ajoute-t-il, sous prétexte que notre honneur et l'intérêt de notre ami ne sont pas également précieux en eux-mêmes. En pareille matière, ce ne sont ni les mots ni leurs valeurs qui doivent nous décider, mais bien le poids, la gravité des circonstances. Et si, pour obliger un ami, il y a, ou à peu près, parité entre le déshonneur et le service que nous voulons rendre, alors il faut, sans hésiter, préférer le soin de notre honneur. Mais si l'intérêt de notre ami l'emporte et que notre réputation est peu à souffrir, sacrifions notre honneur à la cause de notre ami. Le philosophe Avrinus, autorisant aussi, d'après les circonstances, l'indulgence que l'on peut avoir pour l'amitié et adoucissant un peu la rigueur inflexible de la justice, s'exprime ainsi. Ce que les hommes appellent obligeance n'est autre chose qu'une légère infraction à la loi, lorsque les circonstances l'exigent.